Niko nalamkia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Niko pia nalamkia banduku na badada benye kutufata kwa internet. Je salue également les frères qui nous suivent en ligne. Niko nalamkia mjini Yesu Kristo. Je les salue au nom de Jésus-Christ. Tunapikia tena Mungu asante juu ya siku ya leo. Nous remercions encore notre Dieu pour aujourd'hui. Parce qu'il a permis à ce que nous puissions nous retrouver dans cette maison. Parce que cette maison, c'est une maison de correction. La Bible dit, le jugement commence dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu est apportée. Quand nos cœurs sont condamnés, nous voulons réparer la chose et Dieu nous assiste. C'est pourquoi si nous arrangeons, nous entrons en Christ. La Bible dit, plus de condamnation pour ceux qui se trouvent en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever pour la lecture de la parole. Ésaïe chapitre 35. Isaya sura yake ya makumi tatu na hit na tano. Tuko naanzia mversi yake 8. Yora encheme freye une route qu'on appellera la voie sainte. Utakuya njia moja itapasuliwa balabala ile bataitwa njia takatifu. Ni l'impire ni passera, elle sera pour elle seule. Buchafata moja utapita mwile balabala. Ceux qui la suivront même insensés ne pourront s'égarer. Bale batengia mule bala bala tabu mbafu munya shitaweza kupotea. Sur cette route point de lion. Mule bala bala amuna banshimba. Ni bête féroce ne la prendra. Wala banyama ya makari. Ni ile ne sera contrera. Hakuna tamu moja la nezi kutana nabo. Ula tapatikana mule. Patikana mule. Les délivrés y marcheront. Bakombole watu batatembelele amo. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Bale wamile la takombola batarudia. Ils iront en Sion avec chant de triomphe. Batenda musiona na mimbo ya shangwe ya sifa. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Na furamo ya milele itakuwa kama taji kubichwa yabo. L'allégresse, la joie s'approcheront. Shangwe fura itakijongea. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Maumivu na mikulia biote bitakimbia. Mungu wetu tunakupikia tena asante mwakati ya magharibi. Notre Dieu, nous te disons merci en ce soir. Accente Dieu que tu kaburia pumuji abujima. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Na vile na etikia tupate kupatikana pa ifuashi. Et d'avoir permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Imeandikwa maneno yako kusema. Il est écrit dans ta parole. Miri batumia neno. Je leur ai envoyé la parole. Tupate kubaokola na kubatunza. C'est pour que la parole puisse les sauver et les délivrer. Neno yako kila wakati inaokolaka. Ta parole chaque fois sauve. Na kila wakati inatunzaka. Et chaque fois elle nous guérit. Nous t'invitons afin que tu sois au milieu de nous. Tu as dit dans les derniers jours, personne n'apprendra à l'autre de dire qu'on est Dieu. Alors je t'invite, toi qui l'as promis, enlève-moi de la scène. Niko muntu wa chini sana. Je suis un humain. Sina na kitu kya kutransmettre ku peuple. Je n'ai rien à transmettre à ce peuple. Mais wole laka kuya kufundisha. Mais toi qui as promis de venir descendre enseigner. Ushuke kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Descends par la voie du Saint-Esprit. Useme neno moya ile taweza kutusaidia. Dis un mot qui pourra nous aider. Seigneur uifuanye. Seigneur fais-le. Juu ya utukufu ya jina yako. Pour la gloire de ton nom. Ubariki kila nduku na kila dada. Bénis chaque frère et chaque sœur. Ubariki pasteur wetu. Bénis notre pasteur. Bénis tous ceux-là qui travaillent dans cette maison. Nous tous nous confions en toi. Nous t'invitons afin que tu prédomines. Du début comme à la fin. Que tout s'efface pour le gloire de ton Saint nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons encore pour parler aujourd'hui. Il y aura un chemin frayé. Utakuya njia moja itapasuliwa. Ule arilaka ni Mungu. Celui qui a fait cette promesse, c'est Dieu. Ile njia iko hapo hata imangaribi. Cette chemin sera frayé et il est là même ce soir. Et cette voie s'appelle la voie de la sainteté. La Bible nous dit clairement, c'est là qui vont y marcher. C'est seulement les rachetés. C'est là qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Il n'y a que ceux-là qui pourront marcher dans cette voie. La Bible interdit, disant que dans ces chemins, Il n'y a aucune chose d'impure qui peut y entrer. Jamais. Ça ne peut même pas y passer. Il n'y a pas moyen, c'est pratiquement impossible. Il n'y a que le racheté qui pourront y passer. La Bible dit, même les lions ou les bêtes féroces, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens dans ce monde qui ont des caractères comparables aux lions, qui ont des caractères comparables aux bêtes féroces. Mais dans la voie qui nous a été promise, ils ne pourront jamais y marcher. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Et chaque frère et sœurs, il doit, pendant le jour de sa vie, retrouver cette voie. Que Dieu vous bénisse. Parce que si tu ne trouves pas cette voie, jamais tu ne verras Dieu. Jamais. Et dans cette voie, il n'y a pas de raccourci. Pour que toi tu puisses y entrer, premièrement tu dois naître de nouveau. Pour maintenant entrer, il n'y a pas de raccourcis. Comme dans le cœur de l'homme, il y a trop de raccourcis. Tout homme dans ce monde, il aime un peu faire des choses d'une façon brève. Quelque chose là et puis ça marche. Juste un coup là et ça marche. Voilà la nature de l'homme. Un jour, on partait à la morgue avec un certain frère. On est arrivé à une parcelle où on a déjà coupé les arbres. C'est un peu compliqué pour passer. Il y avait un bon chemin où on pouvait passer librement. Mais comme on était en cortège là, tous voulaient toujours passer par l'arbre là-bas, parce que c'est tout près. Et j'ai dit aux frères, tu vois comment le cœur de l'homme est. Il aime toujours abréger les choses. Mais dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Chaque frère et chaque soeur, pour marcher dans la voie de Dieu, il doit obligatoirement naître de nouveau. Sommes-nous ensemble? Il n'y a pas de raccourcis, mon frère. Chaque frère, pour entrer dans cette voie, il doit obligatoirement naître de nouveau. Chaque frère et chaque soeur devrait prier dans sa vie que Dieu l'aide alors qu'il est encore en vie, qu'il naisse aussi dans cette voie. Que Dieu vous bénisse. David, connaissant qu'il était enfant de Dieu, l'enfant d'Israël, et Dieu l'a appelé comme étant prophète dans sa prière. David disait ceci dans sa prière. Psaume chapitre 16. Zaburi sura ya 10 na 6. Psaume chapitre 16. 10 na 6 ya kitabu ya Mazaburi. David alianza kusema hivi. David disait ceci. Psaume chapitre 16 verset 11. Mstari ya 10 na 1. Mu maombi ya David alikuwa anaomba. Dans la prière de David, il disait ceci. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Utenijulisha njia ya uzima. Ya d'abondante joie devant ta face. Huko mafuraya mingi mbele ya uwepo wako. des délices éternels à ta droite. Na ma vintu vizuri bia milele kumeya. Lui il espérait. Ya kusema ule Mungu mwenye alimuita. Disant que le Dieu qui l'a appelé, atamjulisha ile njia. Il va vraiment faire connaître le na chemin. Na kila ndugu na kila dada. Et chaque frère et chaque sœur. Ile napasha kuya suwe ndani ya maisha yake. Cela doit être un souhait dans sa na vie. Na yeye apatikane mu ile njia. Afin qu'il se retrouve aussi dans le même chemin. Njia ya bujima. Parce que c'est la voie de la vie. Kama mtu mashiku yake pa dunia. Si aujourd'hui quelqu'un dans sa vie. Ashikupata ile njia. Ne trouve pas cette voie, il ne peut jamais voir Dieu. Il continue encore pour dire Psaume 25 Zaburi Suraya ki Makumi Éternel, fais-moi connaître tes voies. Unijulishe manjia yako. Enseigne-moi tes sentiers. Upate kunifundisha njia yako. Conduis-moi dans ta vérité. Niongoze ndani ya ukweli yako. Et instruis-moi. Na unifundishe. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu wewe ni Mungu wa wokovu yangu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Teko na mwita wa milele. Il invoque l'Éternel. Comme j'ai pu trouver grâce au devant de toi, je veux assez que tu me fais connaître tes chantiers. J'ai le souhait, je veux assez que je me retrouve véritablement dans la voie frère par toi. Que je ne marche pas dans la voie qui mène à la mort. Si celle-ci devient la prière de tout un chacun de nous, et frère Branham dit, ce n'est que la profondeur qui appelle une autre. Si quelqu'un dans sa prière, il veut à ce que Dieu se révèle à lui, Dieu aussi va obligatoirement se révéler à lui. Parce que c'est là, c'est le besoin de son cœur. Que Dieu vous bénisse. Je t'en supplie, ô Éternel. Fais-moi connaître tes sentiers. Depuis que moi je me suis dit croyant, je marche en désordre, je ne connais pas tes voies. Parce que si je connais tes voies, je connaîtrai aussi comment craindre l'Éternel. Je le saurai. Fais-moi connaître tes chantiers. Car c'est toi le Dieu de mon salut. Cet homme de David était un prophète. Mais il priait Dieu de la sorte. Parce qu'il connaissait que marcher dans la voie de l'Éternel, ce n'est que là que se trouve la sécurité. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Et le monde dans lequel nous vivons, Ndouku. Le monde dans lequel nous vivons, ma sœur. Il y a deux voies où les humains marchent. Que Dieu vous bénisse. Chaque frère et chaque sœur qui vit sur cette terre, il marche dans l'une de ces voies. Sommes-nous ensemble? Tout humain qui vit sur cette terre, même en ce soir alors que nous sommes ici, comme il y a deux voies où les humains marchent, toi aussi tu as une voie où tu marches. Une voie conduit les gens à la perdition. Et l'autre conduit les gens à la vie. Même en ce soir, chaque frère et chaque sœur se tient dans une voie quelconque. Que Dieu vous bénisse. Et cette voie se retrouve sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible parle clairement. Deutéronome chapitre 11. Dans Deutéronome sura ya 10 na moja. Verset 26. Mstari ya 12 na 6. Mungu anasema, Dieu dit, je mets aujourd'hui devant vous. Leo minaweka mbele yenu. La bénédiction et la malédiction. Baraka na lahana. La bénédiction. Baraka. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, Mungu wenu, que je vous prescris en ces jours, la malédiction, la hana, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, kama amti kuma amri ya wa milele Mungu wenu, Et si vous vous détournez de la voie, na kama munatoka munjia, que je vous prescris en ces jours, inyele nikune miandikia leo, pour aller auprès d'autres dieux, juu ya kwenda kuabudu miungu, que vous ne connaissez pas, minyele mujue. Ces deux voies se retrouvent devant de nous. Une voie, c'est une voie de la malédiction. Et une autre, c'est une voie de la bénédiction. Et chaque frère et soeur, aujourd'hui, ce soir, il marche dans l'une de ces voies. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a personne qui manque une voie où il doit marcher. Tel que nous sommes là maintenant ce soir, chacun de nous a une voie où il marche. L'une, c'est une voie de la malédiction. Et l'autre, c'est une voie de la perdition. La voie de la mort. Et l'autre, la voie de la bénédiction. Lisons d'abord le frère Branham. Pagamui message la voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Njia ya Mungu ile pasuliwa juu yetu. Paragraphe 21. Paragraphe 21. Arasema hivi. Il dit ceci. Il y a deux voies qu'un homme peut suivre. Kukuni manjia mbili ile mtu anaweza kufuata. Et ce sont na ni sa voix ou la voix de Dieu. Njia yake wala njia ya Mungu. Et c'est la bonne voie ou la mauvaise voie. Ni njia mzuri wala ni njia mubaya. Et votre voie, vous, na njia yako weye, est toujours la mauvaise. Iko paka ya mubaya. Tandis que la voie de Dieu, lakini njia ya Mungu, est toujours la bonne. Inekalaka paka ya mzuri. Vous ne pouvez pas être dans votre propre voie. Hautaweza kuwa munjia yako we mwenyewe. Et dans la voie de Dieu à la fois. Na munjia tena ya Mungu paka pale. Non. Il vous faut donc sortir de votre propre voie afin que Dieu puisse avoir sa voix en vous. C'est vrai. Ili Mungu apate kwa njia yake ndani yako ni kweli. Dieu pourvoit à une voie. Mungu eko na tayarisha njia moya. Mungu yuko paka na njia ile sha kutayarisha. Dieu a déjà pourvu une voie. C'est comme ile manjia mbili. C'est-à-dire dans ces deux voies. Kuko imoya ni yako. Il y a une qui t'appartient. Bila wewe unapendaka kufanya. C'est que toi tu veux faire. Na ingine ni njia ya neno ya Mungu. Et l'autre c'est la voie de la parole de Dieu. Na kila ndugu na kila dada. Et chaque frère et sœur. Eko na mule eko na tembelea. A une voie où il marche. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Donc ile njia wako na tembelea. Donc la voie dans laquelle tu marches. Mule unafanyaka byote bila roho yako inapenda. Là où tu peux faire tout ce que tu veux. C'est la voie qui se nomme la voie de la désobéissance. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? Mais la voie que Dieu a frayée. Tous les rachetés y marchent. Ce sont des obéissants. Que Dieu vous bénisse. Et chaque frère et sœur, tout celui qui se retrouve ici ce soir, il a une voie où il est en train de marcher. Que Dieu vous bénisse. Quand la parole de Dieu est prêchée, chaque frère et sœur est en mesure de connaître où il va. Que Dieu vous bénisse. Même si tu peux durer dans l'église. Même si tu deviens un prédicateur. Mais la façon dont avec laquelle tu reçois la parole de Dieu. Ça t'aide de connaître. Dans quelle voie où tu marches. Parce que si toi tu es un désobéissant, sache que tu marches dans la voie de la mort. Et jamais tu ne verras Dieu. Crois que tu peux servir à l'église. Ça ne veut rien dire. Que Dieu vous bénisse. Si vous partez dans des pays musulmans, là vous allez trouver des mosquées que nous n'avons pas ici. Ils ont vraiment dépensé. Ce n'est pas ça qui prouve que tu es un croyant. Non. Parce que quelqu'un peut prétendre penser que comme il prêche ou bien il chante la chorale ou bien il est en train de soutenir les frères et sœurs, ce n'est que ça la certitude disant qu'il est chrétien. Non, faux. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est archi faux. Ce ne sont que des sacrifices inutiles. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois obéissant à ce qu'il dit. Sommes-nous ensemble? Vous voyez du temps de la Bible. 1 Samuel chapitre 15. Samuel wa kwanza sura yake ya 5. 15. Sura yake ya 15. C'est une écriture que vous connaissez. Ok. Il y a Saul a rendu à Kufanya bintu bile benyabi kukuye correct. C'était du temps où Saul était parti faire des choses qui n'étaient pas correctes. Il pensait que tous les sacrifices qu'il pouvait offrir à Dieu. C'était vraiment très important, plus que l'obéissance à ce que Dieu lui a dit. Frère. Dieu n'est pas ainsi, mon frère. Dieu n'est pas ainsi, ma soeur. Dieu, il aime celui qui est obéissant à sa parole. Et la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux-là qui lui obéissent. Si aujourd'hui beaucoup de gens traînent encore à avoir le Saint-Esprit, c'est un signe qui prouve clairement disant que leur vie c'est une vie désobéissante. Sommes-nous ensemble? Manquer le véritable Saint-Esprit et non pas un Saint-Esprit imaginé comme le frère Branham le dit. Il y a le Saint-Esprit que les gens se donnent seulement. Le frère Branham, nous parlons du Saint-Esprit authentique. Que Dieu vous bénisse. Le véritable Saint-Esprit, celui qui l'accorde, il n'y a que Dieu seul, et lui il le donne seulement à ceux qui lui obéissent. Sommes-nous ensemble? Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit et il traîne dans l'église, s'il vérifie seulement sa vie, il va découvrir que dans sa vie il y a une désobéissance totale. Sommes-nous ensemble? Donc c'est un signe. Manquer le Saint-Esprit, c'est-à-dire toi tu ne mets pas les choses comme c'est demandé. Dieu dit ceci. Toi tu fais kinyuma de ce qu'il dit. Comme Dieu te connaît bien, il ne peut jamais envoyer son esprit venir habiter en toi. Non. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Prêcher c'est bien. Chanter c'est bien. Soutenir l'œuvre de Dieu c'est bien. Mais obéir à la parole de Dieu c'est mieux. Sommes-nous ensemble? C'est mieux. Pourquoi nous disons de la sorte? Pourquoi nous disons de cette façon, ma soeur? Parce que dans cette Bible, Jésus-Christ n'est pas là de quoi pas donner. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il disait ceci. Disons, là, beaucoup de gens, là vers la fin, viendront à moi. Celui qui a dit ces paroles, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et la plupart de ces gens qui viendront à moi, qu'est-ce qu'ils diront? Seigneur, moi j'avais fait ceci en ton nom. Moi j'ai fui prédicateur en ton nom. Moi j'ai fui chantre diacre en ton nom. Lisons d'abord cette écriture. Matthieu chapitre 7. Matthieu suraiki asaba. Matthieu chapitre 7. Matthieu suraiki asaba. Ok. Verset yake 22. Plusieurs me diront en ces jours-là. Celui qui parle ici, c'est le Seigneur. Il est chiku. Ces jours-là. Mubale bantu ba mingi bata mwambiaka. Dans ces termes, plusieurs qui le diront. Quelques-uns d'entre ces gens-là sont ici en train d'écouter cette prédication. Plusieurs me diront en ces jours-là. Bamingi batenyambia katika siku zile. Seigneur. Bwana. Seigneur. Bwana. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et ici, tu kutabiri mujina lako. N'avons-nous pas chassé démons par ton nom? Et ici, tu kufukuza mapepo mchafu mujina lako. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et ici, tu kufanya miujiza ya mingi mujina lako. Alors, je leur dirai ouvertement. Na pale mite bambia wazi wazi. Retirez-vous de moi. Ondokeni. Je ne vous ai jamais connu. Mieshie mijuaka. Retirez-vous de moi. Ondokeni. Vous qui commettez l'iniquité. Nini batenda maovu. Dieu vous bénisse. Jésus, Jésus dit, il leur dira clairement. Il est chicou. En ces jours-là. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, en ce qui concerne la chrétienté, Ndoukou. En ce qui concerne la chrétienté, ma soeur. Il ne faut pas te tenir sur des choses superficielles. Il faut que vérifier comment maisha yako. Il faut vérifier si ta vie. Il qu'on a répondre ku injili uko nashikia. Répond à l'évangile que toi tu entends. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Parce que Jésus qu'on a baita pa kusema. Parce que Jésus appelle ces nombres ici. Mutoke parce que murukuya batenda maovu. Il les nomme comme étant des incrédules. Biblia qu'on a sema. Et la Bible dit. Barikuya ba ouvrier des iniquités. Barikuya batenda maovu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Na wakati tunasema ya Dieu maovu. Et lorsque nous parlons de l'iniquité. Ni ba frère na ba sœur benye kushikia hii injili. Ce sont des frères et sœurs qui entendent. Ana cet évangile. Mapenzi ya Mungu pa mambo yale kunafanya. La volonté de Dieu sur ce qu'il est en train de faire. Mais ta vie le kunafanya. Quoi qu'il connaît la volonté de Dieu, mais il continue. Bale bantu. Ces gens-là. Batapatikana mukikundi kya bale bantu batenda kushikia. Vous se retrouvez dans ce groupe ici que Jésus dit le plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus a dit que parce que Jésus n'a pas dit qu'ils seront minimes. Non. Batakwa ba mingi. Ils seront plusieurs. Est-ce que tu vas mourir? Kama muto qu'on attend dans un. Si quelqu'un commet le péché. Na anayu a kusema ile qu'on attend dans un. Et il est conscient de ses péchés. Et comme kikundi kya bale bantu. Il est du nombre de ceux-là. Ataka me comme tabernacle. Quoi qu'il peut être ici au tabernacle. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Mukinkundi kya bale plusieurs. Du nombre du terme plusieurs. Na weu kuamu. Toi aussi tu y es. Oh Seigneur. Oh Bwana. Niriamini yaka message. Moi j'ai cru ces messages. Ataguita kusema toka. Il va te dire. Toi tu commets, toi ouvrier de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché que tu commets tout en étant conscient de ça. Tu connais ce que tu es en train de faire. Néanmoins tu continues. Tu es un impie. Que Dieu vous bénisse. Et si tu agis de la sorte, c'est un signe qui prouve que tu n'es pas un obéissant à la parole de Dieu. Qui que tu sois dans l'église. Même si c'est toi vraiment qui réponds aux besoins des gens. La Bible dit. Dans l'écriture de 1 Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu est en train de qualifier tous les frères et sœurs qui n'obéissent pas à la parole de Dieu sont comme des magiciens. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Mais quelqu'un qui est ici au tabernacle, mais il est comme un devin. Et il est aussi du nombre de ce plusieurs là-bas. Que Dieu vous bénisse. La voix que Dieu a frayée, c'est la voix de la sainteté. Sommes-nous ensemble? C'est la voix de la sainteté. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre, Sourate Kia Kwanza. Mustari ya 10 na 4. Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. Comme des enfants obéissants. Sawa batoto batifu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Mushijito ete na mumatama ile nye murukuyaka nayo zamani. Quand vous étiez dans l'ignorance. Wakati le murukuyaka mukuto kujua. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint. Lakini, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Mwe na mwe vile vile, mupate kwa batakatifu, mumwenendo yenu yote. Selon qu'il est écrit, vous serez saint, mutakuya batakatifu, car je suis saint. Njumie niko mutakatifu. Que Dieu vous bénisse. Comme des enfants obéissants. Désobéissance. Kukutokuti. Ni alama ya kukosa kugeuka. C'est un signe de l'inconversion. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Kukosa kuti sauti ya Mungu. Manque d'obéir à la parole de Dieu. Ni alama ya kusema huyu mtu asiyageuka. C'est un signe de l'inconversion. Huyu mtu asiyabadilika. C'est un signe qui prouve que celui-ci n'a jamais changé. De nature quelqu'un. Parce que l'homme de Dieu qui parle ici. Comme l'autre fois vous étiez. Donc c'est-à-dire l'homme a toujours un passé. Où il avait des habitudes qu'il avait héritées par nature. Mais dès qu'il croit, sa nature va changer. Et la Bible l'appelle. Comme des enfants désobéissants. Les enfants de Dieu sont obéissant. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Les enfants de Dieu sont tous obéissants. C'est que la parole de Dieu interdit. Lui aussi, il arrête, il laisse ça. C'est ce que l'enfant de Dieu est. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu ne résiste pas. Dieu, pour qu'il soit convaincu, il faut que Dieu puisse parler. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Si Dieu te sauve, il te donne un cœur malléable à l'évangile. Tout celui qui est sauvé, Dieu lui donne un esprit de chair. Et cet esprit, c'est un esprit qui est disposé à recevoir toute parole venant de Dieu. Si quelqu'un est sauvé, et maintenant toi, depuis quand tu es sauvé? Alors que unaishi mukupinganisha kwa neno. Il y a quelque chose qui cloche. Soit tu n'es pas encore sauvé. Tu es seulement un membre de l'église. Dieu a sa façon d'agir. Et si Dieu sauve quelqu'un, il le change, il le transforme. Il le change. Ephésiens chapitre 5. Ou Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Wa Efeso sura yake ya 5. Troisième verset que premier. Mustari wa kwanza. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Basi mupate kuwa bakufatirisha Mungu sawa batoto bapendwa. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Na mupate kutembea mu mapendo mukwangalia po Kristu mwenyewe alitupenda. Qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Mwenyewe alijitoa yeye mwenyewe kwa Mungu juu yetu. Comme une offrande, un sacrifice de bon odeur. Sawa sadaka na kafara ya harufu mzuri. Quelle impudicité. Basi uzinifu. Qu'aucune espèce d'impureté. Wala aina yoyote ya buchafu. Et quelle cupidité voilà, kupenda franga kwa mno, ne soit pas même nommé parmi vous. Ainsi il convient à des saints. Njo hivi batakatifu wanapasha kutembea. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Saka mutoto wa Mungu wa bia kweli. C'est-à-dire un enfant de Dieu véritable. Musafari yake ya imani. Dans sa marche de la foi. Il y a des choses qu'il ne peut jamais faire. Est-ce que vous percevez? Bien que nous vivons dans un âge corrompu, Dieu a promis disant que c'est seulement dans cet âge corrompu où il va soutirer l'église sans tache ni ride. Pourquoi? Parce que tous les éléments de la préparation pour les enfants de Dieu en cet âge, Dieu nous a déjà envoyé cela. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Quelle impudicité! Qu'aucune espèce d'impureté! Voilà, aina yoyote ya buchafu. Et quelle cupidité! Na kupenda feza kwa mno. ne sois pas même nommé parmi vous. Ainsi, il convient à des saints. Mungu avote kumbariki. Dieu vous bénisse. Mais leo mudunia, frère. Mais aujourd'hui dans le monde, mon frère. Mudunia leo dada. Le monde aujourd'hui, ma sœur. Leo tunakuya msodoma. Là, on est maintenant en Sodome. Mungu avote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Leo mudunia munakuwa ni Sodoma. Aujourd'hui, c'est vraiment Sodome. C'est que tabia ya bantu hapa dunia. C'est-à-dire le comportement des gens. Akili ya bantu ba leo. Le raisonnement des gens aujourd'hui. Inakuwa paka sana bantu ba mwakati ya lote. C'est vraiment pareil aux gens de l'autre. Mawazo ya bantu ba mingi. La plupart des gens dans leur pensée. Ikuye babiana banaume. Que ce soit les jeunes gens. Ikuye babiana banamuke. Que ce soit les jeunes filles. Ikuye benye kuya mundoa. Que ce soit le marié. Maisha ya bantu isha kujitoa pa kubuzinifu. La vie seulement, leur vie est liée toujours à l'impudicité. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mais Bible qu'on a sema. Mais la Bible dit impudicité, impureté. Uzinifu wala buchafu. Cupidité. Upenda feza kono. Bila bidu abipaji hata kutaiwa katikati yenu. Ne doivent même pas être nommés parmi nous. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Mais leo hii shetani, frère. Mais aujourd'hui le diable. Tukonaishi mukizazi kimoya. Nous vivons dans un âge. Shetani anawina. Où le diable a gagné. A presque gagné. Que Dieu vous bénisse. Akiri ya bantu mui aja la Odyssée. Le raisonnement des gens dans cet âge de la Odyssée. Mawazo ya bantu wa mingi. Les pensées des gens dans cet âge de la Odyssée, c'est vraiment lié à l'impudicité. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Parce que Shetani leo. Parce qu'aujourd'hui le diable. Aleja ku développer technique ya bantu kutende ya zambi. Il a déjà développé quelque chose pour permettre aux gens de commettre le péché. Anatuma ma internet. Il a envoyé l'internet. Anatuma ma télévision. Il a envoyé les télévisions. Frère, comment on a sommé la Bible? Mais si vous lisez la Bible. Utaona kusema Mungu paka wa milele. Vous allez voir que Dieu est éternel. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mungu arenda kusema mu Biblia. Dieu l'a dit dans la Bible. Mon Matthieu, je pense. Matthieu chapitre 5 verset 28. Nazania Matayo sura yake tano. Asema mutu yote anatangalia mwanamke. Il a dit quiconque regarde une femme. Na macho akumtamani. Et la convoite. Biblia haikusema. La Bible n'a pas dit. Mutu yote atamgusa mwanamke. Tout celui qui va toucher. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mutu yote atamwangalia na macho akumtamani. Tout homme qui va regarder une femme pour la convoiter. Anaangalia mwanamke yako kamonga na mwangalia hata mu États-Unis. C'est-à-dire tout celui qui peut regarder une femme même celle qui se trouve en États-Unis. Shetani ko mukalamushi. Le diable est très malin. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Shetani ko tellement mukalamushi. Il est tellement rusé. Au point de faire les choses. Dieu a kusema asuye mawazo ya bantu ba mingi mu dunia. Pour suyer complètement les pensées des gens dans le monde. Ndio ananza kutuba sa ma internet. Et il commence maintenant à envoyer par internet. Banamuke bashipokuwa na mangu. Les femmes nues. Bila bitu biote. Toutes ces choses. Esprit à shetani. Son idée à lui. Ni kusema bantu ba haribike. C'est que les gens soient complètement corrompus. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Angalia leo frère mu dunia. Voyez aujourd'hui mon frère. Comme nous sommes dans l'époque de la civilisation. Parce que la civilisation d'aujourd'hui a amené les péchés. Que Dieu vous bénisse. Les jeunes gens se promènent avec des androïdes. Dans leurs androïdes, qu'est-ce qu'ils regardent? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'ils regardent? Et vous voyez ce qui est encore horrible. Parce que futur il est gagné ma internet et qu'on a tout réservé. Parce que le futur que les internets nous réservent. Est vraiment foutu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? C'est vraiment foutu. Dieu tu vas dire au prédicateur pourquoi vous dites? Ba jeune fille baléo. Voyez les jeunes filles d'aujourd'hui. Na ba jeune garçon baléo. Et les jeunes gens d'aujourd'hui. Sinjo ba wana pasha ba kuye ba prédicateur kesho. N'est-ce pas son, ils sont. Na sinjo ba wana pasha kuwa ba mama ba kesho. Et des prédicateurs de demain. Mais on y explique frère. Mais comment expliquer frère? Jeune fille à l'âge de 15 ans. Une jeune fille à l'âge de 15 ans. Asienda kubukweri. Elle n'a jamais eu de mariage. Mais elle est en train de visualiser les des films malsains. Kesho atakuwa bibi wa bukweli wa Dieu. Demain quel genre de femme mariée sera-t-elle? Kesho kutu atakuwa mama wa Dieu. Après demain quel genre de mère sera-t-elle? Donnez-vous-même la réponse. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Et puis frère, angari. Et puis encore mon frère, regardez. Ah, jeune fille leo. Si les jeunes filles aujourd'hui. Beko nangara, yani jeune fille nangara banaume babunji. Elle, c'est une jeune fille mais elle regarde des hommes à poil. Kama anaenda kubukweli ashina ndumba. Maintenant si elle partait au mariage, n'est-ce pas, c'est une prostituée? Ashina ndumba. Elle n'est pas une prostituée. Toutes les filles qui regardent les hommes à poil avant d'aller au mariage, elle doit d'abord confesser auprès de son mari, parce que sa pensée est déjà souillée. Et si maintenant toi, le frère, tu acceptes de la prendre, mais prends-la, mais tu dis que déjà depuis, si tu partais comme ça, ton monsieur, sans pour autant arranger cette affaire-là, ah, là tu vas vivre dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout celui qui va regarder une femme pour la convoiter, c'est ça l'écriture. Sommes-nous ensemble? Vous voyez, nous sommes dans le message du temps de la fin. Dieu nous a envoyé l'esprit d'Élie dans cet âge ici. Donc, esprit à Élie, c'est-à-dire l'esprit d'Élie, ni esprit à aigle. C'est un esprit d'aigle. Il voit des choses même en petit détail. Mais l'esprit qu'on parle à tout dévoiler. Mais l'esprit est en train de dévoiler pour recadrer le peuple de Dieu. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas parce que l'air est très grave. Tolérer parce que le temps est. L'heure est tellement avancée. Jésus est à la porte. Nous devons prêcher de manière à ce que chacun de nous sache dans quelle voie il est en train de marcher. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Que chacun de nous soit conscient dans quelle voie il est en train de marcher. Nous vivons dans l'âge corrompu. C'est terrible. Même si vous visualisez à la télévision, tu regardes quoi à la télévision? Ce que tu regardes là, c'est quoi à la télévision? Tu vois le diable? Il est tellement rusé. Mais jamais il ne pourra dépasser Dieu. Sommes-nous ensemble? Jamais il ne pourra dépasser Dieu. Dieu connaît tout. Et si l'évangile est en train d'être apporté comme ça, Dieu pointe quelques-uns. Et c'est à eux que Dieu a envoyé cet évangile. Parce que l'heure est tellement grave. Même si tu es une vierge, ta pensée est déjà déviergée. Tu vas au mariage déjà souillé. Tu dois te repentir au devant de ces maris-là. C'est la vérité. Kweli. Aucune impureté. Akuna bucha fata bumoja. Kushikui ata buchafu. Qui n'y ait même pas aucune impureté. Katikati anu bushi shikirike. Qui ne soit nommé au milieu de vous. Nous sommes des chrétiens, frères. Nous irons au ciel. Tu vas dire au prédicateur. Je suis encore dans l'idée du message. Que Dieu a frayé, c'est ça. Jésus, lorsqu'il était encore sur cette terre, lui, il a parlé de Kamulango, et le chemin qui mène à la vie. Et n'y a que peu. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous entendez, cette nourriture est réservée seulement aux aigles. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Il n'y a que les aigles qui peuvent manger. Si quelqu'un entend cet évangile et il persévère, il y a encore de l'espoir. Sommes-nous ensemble? Il y a encore de l'espoir. Parce que d'autres oiseaux, si seulement ils mangent cette nourriture, et il sera fou, il bafouille. Mais si vous persévérez, même si vous voyez que dans votre vie il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, mais quand tu persévères, tu cherches Dieu, ça va aller. Sommes-nous ensemble? C'est la vérité. Nikweli. Aucune impureté. Hakuna hata buchafu mmoja. Et la cupidité. Na kupenda feza kwa mno. Mutoto wa Mungu, frère. Un enfant de Dieu, mon frère. Mutoto wa Mungu, dada. Un enfant de Dieu, ma soeur. Anegalaga naishi maisha inekuya safi. Ah, il vit une vie pure. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de choses que les gens attendent. C'est la sueur. Ça ne doit même pas se nommer au milieu de nous. Vous voyez quelqu'un qui est embauché quelque part. On lui fait confiance. Disant que tu peux travailler pour lui. Kiosque. Il te met dans un kiosque peut-être. Il te met dans une pharmacie. Parce qu'il te fait confiance que tu es un enfant de Dieu. Mais toi maintenant tu profites. Tu commences à prendre un peu ici, tu mets là-bas, tu prends un peu ici, tu mets là-bas, et après quelques temps, te voici avec un esprit là de 50 dollars. Même si tu mets cette robe là de 50 dollars, mais au devant de Dieu, c'est la sueur. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es un voleur, une voleuse. Tu es une voleuse. Un enfant de Dieu ne mange pas l'argent du vol. Tout l'argent du vol, c'est un argent maudit. Ce n'est pas un argent qu'un enfant de Dieu doit manger. Comme nous vivons dans un âge tellement corrompu, où il n'y a que la sueur. Vous voyez une jeune fille là. Elle est encore chez ses parents. Mais là, elle est toujours accompagnée des hommes. Si seulement elle voit l'argent. Et maintenant, on commence à accoucher à des hommes avec elle. On les donne l'argent. Et cet argent-là, elle donne même à ses frères. Tu es vraiment méchant. Cet argent-là, c'est souillé. C'est sale. Est-ce que nous sommes ensemble? Un enfant de Dieu ne garde rien de souillé. Et la Bible dit: aucune impureté. Voyez maintenant ce que toi tu as dans la maison. La plupart ce sont des choses que toi tu as payées dans le vol. Disant que moi j'ai frappé là-bas. Non, tu es un voleur. Tu ne peux pas marcher dans cette voie. Tu es un voleur, mon frère. Même si tu vends dans une pharmacie, tu ne peux pas prendre une plaquette d'Ibica. Si tu n'as pas demandé au propriétaire, si tu prends seulement, c'est du vol. C'est du vol sans sa permission. On a la ville. Oh, je suis un chrétien, j'irai au ciel. Quel c'est le ciel de qui? Tout ce que tu as là, mon frère, tu as volé ça. Va restituer au propriétaire. Sommes-nous ensemble? Même si tu as changé, tu as donné que je donne l'argent, radio. Et après tu as payé une radio, tu as payé une télévision. Va dire à celui que tu as volé: moi j'avais volé l'argent et voici ce que j'ai payé. Si tu ne fais pas les choses comme ça, jamais tu n'iras au ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez, la chrétienté n'est pas facile. Aucune impureté. À chaque fois que tu gardes les choses que tu as escroquées quelque part, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais existé un chrétien escroc. Il n'y a jamais existé un chrétien voleur. Ça n'a jamais existé. Même si tu es une sœur, mais tu voles l'argent à ton mari, tu es une voleuse. Tu es une sœur voleuse. Et jamais tu n'iras au ciel. Va informer à ton mari. Tellement que j'ai volé. Mais j'ai entendu l'évangile. J'arrête par là. Pardonne-moi. Parce que jusque ce soir, tu es encore une voleuse. Tu ne fais que voler. Tu mets ça quelque part. Tu voles quelque chose là. Tu parles à quelque part. Ce sont des impuretés. Ni mabouché à fou. C'est la vérité. Kweli. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. Ézéchiel. Ézéchiel. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Njia ya Mungu ile ilipasuliwa kwetu. Aina njia teketeke. Ce n'est pas une voie facile. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel sura yake ya makumi tatu na tatu. Mimi napenda kuanzia mu verset 14. Mstari yake ya 14. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Lorsque j'ai dit aux méchants, Wakati niko nasema kwa mtu mubaya, chimura utakufa. S'il revient de son péché, kama anacha nzambi yake, et pratique la droiture et la justice, na ananza kutenda unyofu na uwaki. S'il rend les gages, kama s'il restitue ce qu'il a ravi, kama narudisha bila riba. S'il suit les préceptes qui donnent la vie, kama nafata makanuni kunaleta uzima, sans commettre l'iniquité, bila kutenda uovu, il vivra, ataishi, il ne mourra pas, ashitakufwa. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, ile mazambi yote alitenda itasaulika. S'il pratique la droiture et la justice, kama anatenda unyofu na uwaki. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu bora sema waje. Dieu parle clairement. Kama mimi naleta sentence, si seulement je donne une sentence, Dieu a montré Mubaya pour un méchant. Kamana jikuta. Si seulement. Bile ariba nenda kurudisha. Il part restituer tout ce qu'il a na volé. Na anabadirisha comportement et yake. Il change son comportement. Kwanzia pale mimi nilisema. Dès que moi j'ai parlé, ashitakufu. Là que moi j'ai parlé, il ne mourra jamais. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Ashiweze kufwa. Jamais il ne pourra mourir. Ataishi. Il va vivre. Neno ya Mungu iko tellement wazi. La parole de Dieu est tellement claire. Kila ndugu na kila dada ule ariba. Chaque frère et chaque sœur qui a volé. Bitu bia bwiji kunaiba mazutu kukaji. Il ne fait que voler du mazutu là au service. Kuna risha na batoto yako ile makuta. Et cet argent tu viens même donner à tes enfants. Na uko namwambia na bibi yako asema Mungu anatubariki sana. Tu dis même à ta femme que Dieu nous a tellement bénis. Uko mtu mubaya. Tu es un méchant. Mungu kani anamibariki. Quel Dieu qui vous a béni? Ule Mungu anamibariki mubwiji. Le Dieu qui vous a béni dans le vol. Mungu ashibariki yake batu mubwiji. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un au travers le vol. Hapana frère. Jamais. Hapana dad. Jamais ma sœur. Mungu kama anabariki mtu. Si Dieu bénit quelqu'un, anekalaka mukubariki mtu bubia kunyoloka. Il le bénit droitement, honnêtement. Est-ce que tu comprends moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Mungu anabariki mtu bubia kunyoloka. Dieu bénit honnêtement. Tena Mungu anabariki yake bien. Et Dieu bénit parfaitement. Ashibariki yake ovyo ovyo. Il ne bénit pas en désordre, en besogne. Hapana. Non. Baraka ya Mungu inekalaka baraka ya kweli. La bénédiction de Dieu est réelle. Oui. Ndio. Ephésiens. Wa Efeso. Chapitre 5. Sura yake ya 5. Verset 4. Konatande ni parole déshonnête. Tushishikie ata misemo ya kukosa ya hila. Ni propos insensé. Wala misemo moya kukosa heshima. Ni plaisanterie. Wala mizaa. Choses qui sont contraires à la bienséance. Bintu bile bikuna kombanisha mwikario mzuri. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Lakini tupate kushikia matendo ya shukrani. Sachez-le bien. Mupate kujua vizuri. Aucun impudique. Hakuna mtu hata mmoja wa buchafu. Ou impur. Wala wa buchafu. Ou cupide. Wala wa kupenda fedha. C'est-à-dire idolâtre. Wa kusema wa kuabudu fedha. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Munye ula nezi kuwa na uriti ndani ya ufalme wa Kristo. Qu'on attende ni de paroles déshonnêtes. Tushishikie misemo moya ya hila. Angaria frère. Regardez mon frère. Angaria dada. Regardez ma sœur. Mon Christ, un chrétien. Ashigala est comédien. Il n'est pas un comédien. Est-ce que tu comprends moi? Nous sommes ensemble. Léo tu n'as pas na ba Christ ba comédien. Aujourd'hui, on a des comédiens. Mon Christ, ashisema que tu ovio ovio. Un chrétien ne parle pas en désordre. On a monté qu'on a sema bintu jutu ya kuchekesha bana. Vous voyez quelqu'un qui parle juste pour amuser la galerie. On a quoi comédien? Et tu es devenu un manseba? Angaria. Voyez mon bala. Bala manegalaka mufanya comédie. Ceux-là qui font la comédie. Bana fanya comédie du mapate franca. Ils le font pour gagner de l'argent. Est-ce que vous percevez? Na mutoto wa Mungu abia kweli. Et tout véritable enfant de Dieu. Asiweze kuya asiweze kuwa comédien. Il ne peut jamais être un comédien. Bila biko nasemewa pa dunia. Il y a des choses qui se disent dans ce monde. Bila biweze kutoka mukinyo kya mtoto wa Mungu. Jamais qu'une parole sortie dans la bouche d'un enfant de Dieu. C'est la vérité. Ni kweli. C'est qu'on en a monté à Kamaiko Pabantu. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un si se retrouve seulement dans un groupe de gens. Il cherche c'est toujours à parler de façon à amuser la galerie. Un chrétien ne parle pas de la sorte. On a l'esprit à kufanishisha batu miza. Vous voyez l'esprit là de plaisanter toujours avec les gens. Ça n'a pas venu de Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Parce que nous sommes ensemble. Ça ne vient pas de Dieu. Ouais, toi, tu peux dans ta tête dire que tu présentes. Mais lui, il prend ça au sérieux. Mais on a m'kwarish. N'est-ce pas, tu viens de les scandaliser? Mungu va te barik. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Vous voyez dans l'affaire de Dieu, mon frère. Si vous voulez poser un acte, il faut poser avec tous les sérieux possibles. Un enfant de Dieu ne parlote pas. Oh non, moi je disais c'est moi. Je ne pensais pas qu'il pouvait. Non, moi j'ai plaisanté juste. Non. Vous voyez l'histoire de Judas. Vous connaissez que ce monsieur ici était un prédicateur. Dieu vous bénisse. Judas, il priait et les gens étaient guéris. Mais est venu un moment où Judas était conscient disant que Jésus, c'est Jésus ici. Il est différent de nous tous. Parce qu'il voyait que les produits que Jésus opérait. Mais lui, il a pris cela comme étant un bon moment pour lui de plaisanter avec Jésus. Et il est parti voir les sacrificateurs. Il allait d'abord le vendre là-bas, qu'on lui donne l'argent. Et comme il connaît Jésus, il était conscient de Jésus. Jamais on ne peut jamais le mettre une main sur lui. Oui, c'est un Dieu, il va faire quelque chose là d'extraordinaire. Et les choses vont changer. C'était dans sa tête. Alors qu'il ne savait pas que si seulement tu veux poser un acte, il faut le faire avec tous les sérieux possibles. Que Dieu vous bénisse. Lui, il a pris cela comme un présentation. Vous voyez, lorsqu'il a vendu Jésus, quand il a vu Jésus ligoté comme cela, il était étonné. C'est sérieux alors? Je pensais qu'il allait faire un miracle ici. Pas de plaisanterie dans l'affaire de Dieu. Et la Bible dit, ce même Judas était le fils de la perdition. Mais les frères et sœurs, ceux-là qui aiment les plaisanteries avec les choses de Dieu, ce sont les enfants de la perdition. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Si toi tu te dis un enfant de Dieu, un chrétien, il faut demeurer ainsi. Ne le sois pas. Nous sommes ensemble. Chaque jour lorsque tu viens à l'église, mais tu vis contrairement à la parole de Dieu, n'est-ce pas de la plaisanterie? Sommes-nous ensemble? Tu n'es pas différent de Judas. Lui, il pensait que non, il ne fait rien. Et c'était un fils de la prédiction. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur doit faire trop attention dans sa frère. Vie. Dis-le, mon frère. Si vous faites quelque chose, sachez que Ndoukou, Dieu, il te voit en tout ce que toi tu es en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Les yeux de Dieu voient tout ce que tu es en train de faire. Et si ce que tu es en train de faire, tu continues seulement à t'endurcir sans changer, Dieu est capable de te réveiller même dans le livre de la vie. Sommes-nous ensemble? C'est la vérité. Il a cette possibilité. Il a cette possibilité de t'effacer, de la Bible dit dans Apocalypse. Nous tendons vers la fin. Apocalypse chapitre 21. Bible na sema hivi. Ufunulo sura ya 12 na 1. Il n'entrera chez elle ni rien d'essuyer. Verset 27. Mstari wa 12 na 7. Il n'entrera chez elle rien d'essuyer. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Voilà, kufuru na kubongo. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Ceux qui sont écrits. Bale banesha kuandikwa. Dans les livres de vie de l'agneau. Mukitabu ya bujima ya mwana kondo. Ils ne vivent pas dans des sueurs. Est-ce que nous lisons ensemble? Relisons. Il n'entrera chez elle rien d'essuyer. Ni personne qui se livre à l'abomination. Et au mensonge. Wala kubongo. Il n'entrera que ceux qui sont écrits. Bataingia tu ni pakabale banesha kuandikwa Dans les livres de vie de l'agneau. Mukitabu ya uzima ya mwana kondo. C'est pourquoi kila nduku na kila dada. C'est pourquoi chaque frère et chaque sœur. Uleko naishi mubuchafu. Qui vit dans des chures. Eko naishi mumakufuru. Qui vit dans l'abomination. Ayue kusema. Qu'il sache que. Eko naishi mubongo. Il est dans le mensonge. Ule muntu. C'est dernier ici. Ashina mwenye kuandikiwa mukitabu kia uzima kia mwana kondo. Il n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que si tu n'asoma pas moi, n'est-ce pas nous venons de lire ensemble. Amen. Disait amen si c'est vrai. C'est qu'on dit. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que l'écriture dit. C'est-à-dire ceux-là qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont ceux-là qui vont très loin du péché. Sommes-nous ensemble? Parce que la voie que Dieu a frayée, c'est la voie de racheter uniquement. Rien d'impur. Hakuna kitu tek moki abuchafu. Hakiweza kupita pale. Ne peut y passer. Mungu abote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que kwa kuingia tu kule kumulango. Parce que pour seulement accéder. Kuko sheria. Il y a une loi. Est-ce que tu comprends moi? Nous sommes ensemble. Maintenant kila ndugu na kila dada. Maintenant chaque frère et chaque sœur. Angaria maisha yake. Qu'il vérifie sa vie. Est-ce que mwile njia ile? La voie dans laquelle. Wewe unaweza kutembelea au? Toi tu peux y marcher. Ile Mungu alipasula. La voie que Dieu a frayée. Tu as kusema mtu atembelee mwile njia. Pour que une personne marche dans la dans cette voie. Elle doit obligatoirement naître de nouveau. Tabia yake akizarikiwa ikufwe. Sa nature doit changer. Ma ambition yake ikufwe. Et aanze kuishi. Il commence maintenant à vivre. Mukuchunga paka kile Mungu anasema. Attendant seulement ce que Dieu a dit. Kama unaishi mwile namna. Si seulement vous vivez de cette façon. Utatembelea mwile njia mzuri. Là vous allez marcher dans cette bonne voie. Na utaona Mungu. Et vous allez voir Dieu. Mungu apate kumibariki. Que Dieu vous bénisse. Njia ile Mungu alitayarisha. Voilà le Dieu va la voie que Dieu a prayé. Jamais rien de chez lui ne peut y entrer. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole. Neno ya Mungu ina hubiriwa. La parole est apportée. Ni Dieu tuoke. Pour que nous puissions nous laver. Est-ce que tu comprends moi? Parce que nous sommes ensemble. C'est-à-dire lorsque l'évangile est apporté. La sueur qui est collée à toi. Toi-même tu connais cette sueur. Dieu t'envoie l'évangile comme étant de l'eau. Pour que tu puisses te nettoyer et laver. Que tu enlèves cette tache. Que tu sois pur, propre. Afin que tu marches dans la voie. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Veillez, vous levez et méditons. Voilà la voie que Dieu a frayée pour nous. Ce n'est pas une voie pour nous tous. C'est seulement ceux-là qui sont rachetés. Vous voyez que ce n'est pas une voie facile. C'est une voie où il n'y a pas de choix. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux jamais y marcher en désordre, en besogne. Parce que si vous vivez dans des sueurs, Dieu t'a envoyé ta parole pour que tu te laves. Si tu refuses de te laver, jamais tu ne pourras y marcher. Méditons. Prions ensemble.